On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison. On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison. Plus de folie, les consens se sont envoyés en psychiatrie. Les vraies valeurs sont vendues par une petite gâterie. Les gardiens de la paix jouent de la matraque. Ils nous traitent de macaques. Ni leur fait, on entendrait des voix comme Jeanne d'Arc. Cupidon tire à l'arc, pas dans nos quartiers qui sont habités par la haine comme les enfants d'Arafat. Orgueilleux sont devenus mes frères, n'acceptent plus qu'on les éclaire. Le chemin de la paix est boycotté par la guerre. Celui de la vérité fut rejeté pour le matériel. Éphémère comme ce bas monde, rentré dans ses tombes. Avec le minimum de péché, l'objectif que je me suis imposé. Un maximum de blé, aboutir à mes projets. J'ai plus où donner de la tête, je vois plus où je mets mes pieds. Coincé entre Iblis et Jibril, je dois apprendre à me gérer. On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison. On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison. Depuis que l'apparence fait l'homme, on se fout de ce que tu es. Depuis que l'argent change la donne, on t'accorde le respect. Le temps et les gens ont changé, plus j'avance plus je ressens le danger. À croire qu'avancer amène à régresser. Nos nouveaux-nés sont devenus des nécrosés. Parle en langage codé, communique avec des high kicks. Looky finissent en guerre comme les blues et les creeps. Welcome to the jungle. On t'accueille avec un desert eagle. Royaume des malades mentaux, des illogiques. Une vengeance salée pour des kilos de cheat. Viens respirer l'esclavage mental. Observer l'inconscience de ces vandales. Tu me diras dans de telles conditions de vie, c'est compréhensible qu'un homme se mette une balle. Qu'un homme se mette une balle. On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison. On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison. Bienvenue au village des malheureux, où les habitants sont malmenés, où la politique n'a pas évolué. Le pourcentage de réussite reste le même, où on trouve toujours les mêmes problèmes. Le cercle vicieux, allez leur dire qu'on reste debout, qui peuvent nous rouer de coups. Vous avez fait couler assez de sang, pour qu'on abandonne à présent. C'est pas vos discours fabulateurs qui vont changer nos vies, qui vont nous faire changer d'avis. Personne nous représente, alors on le fait nous-mêmes. Nos vies sont similaires, car on est tous les mêmes. Grandi dans les mêmes blocs, on se tue avec les mêmes blocs. Héritiers des mêmes galères, tous enfants de la misère. Tous enfants de la misère. Tous enfants de la misère, la misère. On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison. On se fout de ce que tu es, nous ce qu'on veut c'est ce que t'as. Les valences sont plus châtiées, donc ça viole l'omerta. Overdose de folie, les frères perdent la raison. Aucune chance à l'horizon, au terminus la prison.